Et voilà, depuis que ma mère a pris une paire de lunettes de sport à mon frère, il n'a plus de raison de sécher le sport à l'école. Mais voilà, mon frère au handball, il est... Hé, hey, y'a main là ! Oh ! Vraiment nul. Chez Atoll, la deuxième paire est toujours utile. En ce moment, bénéficiez de la deuxième paire de sport à la vue jusqu'à -50% chez votre opticien Atoll. Et pour un meilleur confort visuel, choisissez les verres Essilor. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Dernier épisode aujourd'hui de notre série consacrée à médecine et philosophie. Après notre voyage dans le temps, nous voici au XXe siècle pour évoquer la figure du philosophe médecin Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, c'est d'abord un homme brillant et courageux. Né dans le Languedoc en 1904, il prépare à Paris le concours de l'école normale supérieure qu'il réussit. Sa promotion est celle de Sartre, de Raymond Aron, de Paul Nizan. Il est agrégé de philosophie en 1927, classé assez près de Jean Cavaillès. Antifasciste, antimilitariste, il sera anti-vichiste dès la première heure, remettant en 1940 sa démission au rectorat de Toulouse où il enseigne au lycée. Il rejoint alors Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg est déplacée et où se trouvent Jean Cavaillès, Lucie Aubrac, Emmanuel Dastier de la Vigerie, partageant alors les activités du groupe La Dernière Colonne, ancêtre du réseau de résistance Libération Sud. Cavaillès étant ensuite missionné en zone nord, c'est Canguilhem qui le remplace à l'université strasbourgeoise, toujours à Clermont, dans les locaux de laquelle aura lieu la rafle sanglante du 25 novembre 1943. Canguilhem prendra quelque temps la direction des mouvements unis de la résistance en remplacement de Jean Rochon, qui doit rester caché. En 1944, il sera intégré aux FFI et participera à la bataille du Mont Mouchet, devenant là le médecin du maquis pendant plusieurs mois. Car Georges Canguilhem avait commencé peu avant la guerre des études de médecine, tandis qu'il était professeur de philosophie. Et il a soutenu sa thèse de médecine en 1943. Un philosophe médecin donc, qui deviendra après 1955 professeur à la Sorbonne, et nous allons le voir, un penseur majeur de ce que veut dire être malade et de la difficulté d'être médecin. Bonjour Céline Lefebvre. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Cité, spécialiste de l'œuvre de Georges Canguilhem et plus largement des questions que soulève l'activité de soigner. Vos travaux sont nombreux et ce sont aussi des engagements personnels. Bonjour Philippe Barrier. Bonjour. Vous êtes philosophe et docteur en sciences de l'éducation. Votre thèse portait sur l'autonormativité du patient chronique, sujet qui renvoie beaucoup aux analyses de Canguilhem sur le normal et le pathologique. Vous êtes vous-même diabétique et ce statut de patient chronique vous donne à penser. Vous avez écrit là-dessus. Vos ouvrages en général, comme ceux de Céline Lefebvre, sont précisés sur notre site. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Georges Canguilhem est resté inscrit à l'ordre des médecins toute sa vie, mais après la guerre, il n'a plus souhaité exercer la médecine. Pourquoi, à votre avis, Céline Lefebvre ? Je pense que cette réticence à pratiquer la médecine est antérieure à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il s'est lancé dans la médecine, il le dit au début du Normal et pathologique, pour aborder cette matière étrangère et pour questionner les rapports entre les normes vitales, les normes individuelles, les normes sociales, mais que la pratique même n'était sans doute pas son horizon. Néanmoins, votre question, elle est très intéressante parce que tout au fil de son œuvre, il déploie une philosophie de la relation médecin-malade, puisque... Tout commence pour lui avec l'appel à l'aide du sujet à un médecin, Oui, voilà. C'est là que commence la relation voilà. thérapeutique. Toute sa philosophie, c'est une remémoration du fait que la médecine oublie trop souvent que c'est d'abord un malade, qui appelle à l'aide un médecin, que la médecine naît de l'expérience subjective d'une norme de vie qui est altérée, troublée, empêchée. Et au fil de ces textes et jusqu'à des textes de la fin, donc des années 70, 80, 90, il approfondit avec une acuité, une finesse, une compréhension des enjeux humains de la relation médecin-malade, une éthique relationnelle. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui pensait la relation médecin-malade. Je dirais même les malades avant la maladie, on va expliquer ce que ça veut dire. Et en même temps, lui, dans sa vie, peut-être parce qu'il savait à quel point c'était lourd, je ne sais pas, je vous le demande, à un moment donné, n'a plus exercé la médecine. Il en a parlé très bien, mais il ne l'a plus lui-même exercé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce retrait, Philippe Barrier ? Alors, Céline a déjà dit beaucoup de choses. Je pencherai aussi tout de même pour une réponse politique. C'est quelqu'un d'engagé, vous l'avez effectivement montré, son engagement dans la résistance. Et l'Ordre des médecins a signé avec le régime vichiste, et c'est quelque chose auquel il ne souhaitait pas se soumettre, c'est-à-dire que c'est sa conception de la normativité, c'est-à-dire toute norme ou toute loi n'est ni norme ni loi en elle-même, mais si elle est normative. Et une loi qui exclut une partie de l'humanité de l'exercice de la médecine, en l'occurrence les Juifs, n'est pas pour lui une loi ni une norme. Donc je pense que ça a compté. Alors, d'autre part... Bon, en même temps, une fois que c'était fini, Vichy... Il a tout de même pas exercé. Ma question, c'est après. D'ailleurs, en vérité, sous Vichy, il a exercé. Il a exercé dans le maquis. Tant que médecin de guerre. C'est de la médecine de guerre, effectivement. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a tout de même cette idée. Alors, d'autre part, il a souhaité faire des études de médecine, il le dit, effectivement pour s'appuyer sur quelque chose d'extérieur à la philosophie et de concret, pour analyser une pratique. Et il l'a exercé dans les pires conditions, dans les conditions d'urgence. Peut-être qu'effectivement, la pratique plus routinière ne lui apportait pas suffisamment de réflexion. Il a travaillé ensuite beaucoup plus théoriquement sur ses positions, sur la relation. Sur le lien pratique, en fait. Sur le lien pratique. Tout à fait. Il s'en est extrêmement... Moi, j'ai une autre hypothèse, et elle vient de son introduction à sa thèse de médecine de 1943. Il écrit ceci, Georges Canguilhem. « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne. Et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. » Et peut-être, c'est la question que je vous pose, peut-être on parle mieux de la médecine comme philosophe, quand on reste légèrement à distance d'elle, quand on la laisse un peu étrangère à nous, même s'il la connaissait très bien, mais c'est juste la question de la bonne distance pour parler d'une pratique. Oui. Paradoxalement, il faut peut-être, Céline Lefebvre, la laisser un petit peu à distance. Il a été très proche de certains médecins avec lesquels il a voulu entretenir des relations, des entretiens. Je pense par exemple à un urologue, Pierre Aboulker, à la fin de sa vie, auquel il rend hommage. Donc il y a effectivement à la fois une distance avec la pratique, mais une grande appétence pour les discussions très approfondies, très humaines. Je pense aussi à Henri Péquignot, qui était un des fondateurs des soins palliatifs et de la gériatrie, une appétence pour et une admiration pour les grands cliniciens, les grands praticiens. Et pour répondre aussi à votre question, je dirais que ce qu'il a voulu faire, c'est penser la médecine en continuité avec une philosophie de la vie, une philosophie normative de la vie, du vivant comme étant affirmateur, inventeur de normes, de relations au milieu qui favorise son expansion et non pas seulement sa conservation. Et à partir de cette philosophie de la vie comme normativité, il a construit une épistémologie de la médecine comme technique et non pas comme science. Mmh. Et ensuite, ça lui a permis de spécifier la nécessité de la relation médecin-malade. Mais donc, peut-être que plutôt qu'une distance nécessaire avec les affects nés de la maladie, il s'agit pour lui d'inscrire la médecine dans une philosophie plus large de la vie. Et aussi, comme l'a indiqué aussi Philippe, dans une philosophie critique de la médecine, c'est-à-dire une philosophie qui refuse de faire de la médecine un instrument d'une politique d'adaptation des individus aux normes sociales. Donc voilà, c'est peut-être pas une distance affective, mais c'est une inscription de la médecine dans une philosophie de la vie, dans une philosophie politique. Un recul intellectuel pour saisir la médecine elle-même dans la question de la vie et d'ailleurs de la mort, parce que la mort traverse aussi le vivant. On y viendra peut-être pour Georges Canguilhem. Il y a peu de philosophes médecins. Il faut dire que ça fait beaucoup d'études. Hein. Mais il y en a. Et il y en a notamment qui ont été marqués par Georges Canguilhem. François Dagonier, agrégé de philosophie en 1949, docteur en médecine en 1958. Et puis Anne Fagot-Largeau, agrégée de philosophie en 1996, devenue assistante de Gilbert Simondon à la Sorbonne en philosophie des sciences. Et puis docteur en médecine en psychiatrie en 1978, professeur au Collège de France, actuellement professeur honoraire du Collège de France. Enfin, moi, ça m'intimide. Je vous le dis franchement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très difficile, rare. Et peut-être, si la philosophie veut dire l'amour de la sagesse, là, on a vraiment affaire à des personnages qui ont cherché la sagesse sous toutes ses formes, Philippe Barrier. Oui, dans un engagement. Et Canguilhem insiste sur le fait que le médecin prend le parti de la vie et s'engage effectivement pour répondre à cet appel pathétique du malade, comme il le dit. Alors, pour revenir sur votre question de la distance par rapport à une pratique et de la réflexion sur une pratique, je me suis permis à partir de mon expérience de malade, de l'interroger avec les propositions de Canguilhem, en particulier son vitalisme et sa conception de la normativité, et puis ensuite d'interroger Canguilhem à partir de ma position dans cette relation de soi. C'est-à-dire votre position de patient. Ma position de patient dans cette relation. Vous aussi, vous avez mis cela un peu à distance, en tout cas. Exactement. Vous en avez fait quelque chose d'étrange, au bon sens du terme, pour l'étonnement philosophique. C'est le parallèle que je voulais faire, même si c'est un petit peu ambitieux, mais j'ai retourné en quelque sorte, j'ai pris, à partir de ma position dans cette même relation à la médecine, parce que c'est être malade, c'est une pratique de la maladie, de la vie avec la maladie, et de la médecine, et je dirais même des médecins. Et à partir de ce moment, ma vie, alors, vous avez dit que je suis diabétique, il y a toutes les autres pathologies qui s'y sont associées, j'allais dire les complications, mais Canguilhem fait un sort au mot complications dans le normal et le pathologique. C'est la maladie mère, ensuite il y a l'insuffisance rénale chronique, la coronaropathie, etc. C'est un ensemble de pathologies qui font que, de toute façon, il va falloir régler toutes ces différentes normes. Et c'est ce qui m'a effectivement fait réfléchir à la notion de normativité et introduire autre chose que la pure norme biologique. Et c'est la vie avec la maladie. C'est la vie avec la maladie. C'est ça, là je trouve vous apportez... comment dire, c'est presque banal de le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques, qui exigent des soins tout le temps. Mais votre façon d'en parler, dans la blessure et la force, votre ouvrage, montre que ce statut de patient chronique change la vie et vous oblige à trouver une autre norme, une autre manière de vivre. C'est-à-dire de trouver votre place vis-à-vis du médecin. Vous ne pouvez pas appliquer à la lettre tout ce qu'on vous dit de faire. Il faut que vous fassiez un peu avec les normes. Oui. Et en même temps, vous n'aurez cette insouciance, mais plein de gens sont dans cette situation, cette insouciance de ceux qui n'ont jamais connu la maladie. Absolument. Cette innocence et même cette naïveté à croire que tout marche tout seul, parce que les normes biologiques dans la personne qui est non malade fonctionnent toutes seules. Alors, j'évoquais Anne Fagot-Largeau. qui est aujourd'hui une figure. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, hein, de philosophes médecins. Je trouve qu'elle parle admirablement, justement, du rapport entre philosophie et médecine. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'un entretien qu'elle a donné sur France Culture en mars 2010. Le fait d'être médecin inclut un engagement fort, philosophique fort, puisque si on a envie de soigner les gens, c'est que les gens vont mal. Et donc que le monde n'est pas tout bien fait. Quand on voit des enfants mourir de leucémie, on se dit, mais le monde n'est pas bien fait, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut corriger. L'idée de corriger le monde, c'est l'idée que les êtres humains peuvent et même doivent intervenir dans le cours des choses. Ce qui n'est pas évident philosophiquement. Il y a des philosophies de la contemplation pure. Oui, hein. Oui. Là, c'est une philosophie de l'intervention avec une certaine éthique inhérente à la médecine, qui est l'éthique de « il faut faire du bien », dire une éthique conséquentialiste. Et puis, pour faire du bien, car on peut faire beaucoup de mal en voulant faire du bien, hein, il faut savoir ce qu'on fait. D'où le long travail qui s'est élaboré en médecine pour que les connaissances médicales soient le moins approximatives possible et le plus utile possible. Donc il y a une pluralité de sciences servantes de la médecine et de technologie. Et la validation de ces savoirs scientifiques et de ces technologies est un souci constant des médecins. Donc il y a une épistémologie, une métaphysique et une éthique inhérentes à la médecine qui ne sont pas neutres. Médecin et philosophe, Anne Fagolargeau dit beaucoup de choses dans cet extrait. D'abord, elle dit que, d'une certaine façon, le médecin doit s'autoriser à un moment, et ça c'est une expression qu'on emploie aussi pour les psychanalystes, s'autoriser à être celui qui intervient dans la nature, et que ça n'a rien d'évident, et que c'est une vraie question philosophique. Ça n'a rien d'évident parce qu'il y a beaucoup de philosophie, en effet, comme elle le dit, de la contemplation. Il y a ce moment où, au nom d'un savoir, on intervient, et elle le rappelle, le vouloir faire le bien peut, hélas, parfois produire du mal. Ça fait partie du risque de la médecine qui doit être connu et avec lequel il faut travailler. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Lefebvre, de cette responsabilité du médecin que souligne ici Anne Fagolargeau? Effectivement, cet extrait est magnifique. Il est proprement canguilhémien, c'est-à-dire que, alors, on retrouve la nécessité affirmée, promue, absolument toujours renouvelée pour Canguilhem, que la médecine soit scientifique, oui, qu'elle soit fondée sur des connaissances scientifiques les plus rationnelles, les plus fondées. Et en même temps, c'est pour ça qu'il définit la médecine comme une somme de sciences appliquées, hein, comme un art au carrefour de plusieurs sciences. Et en même temps, comme le souligne Anne Fagolargeau, il s'agit toujours à un moment donné d'une relation entre un patient singulier et un médecin singulier. Et donc ce médecin singulier doit faire la synthèse des connaissances scientifiques qu'il doit maîtriser, mais il doit en faire la synthèse pour un cas particulier, un patient singulier, une individualité. Et pourquoi il doit le faire? C'est parce qu'effectivement, il s'engage au service de ce patient singulier, de ses normes de vie propres. Il doit chercher à normaliser sa vie avec ou après la maladie. Il doit participer à son individuation, donc dans le respect des valeurs et des normes de vie de ce patient. Donc il y a il y a cette tension entre la mobilisation de connaissances scientifiques absolument nécessaires, mais insuffisantes, parce qu'elles doivent être mises au service d'un engagement et d'une responsabilité envers un patient individuel. Singulier. Singulier. Oui. Et avec, effectivement, là, Anne Fagolargeau ouvre la question travaillée par Canguilhem du fait qu'il y a face à des patients singuliers et des situations singulières, des décisions que le médecin prend dans l'intimité de sa conscience et qui ne sont pas dictées par la science, qui ne sont pas déductibles de la science, de recommandations, de protocoles, de guides de bonne conduite. La scientifique, pardon, ouais, je non, il y avait un petit point, c'est quand Anne Fagot-Largeau distinguait la position de Camp Guillem d'une philosophie, indiquait que la médecine n'était pas naturelle, en quelque sorte, qu'elle allait contre la nature, qu'elle corrigeait la nature. Qu'elle corrige. Ça, c'est tout à fait aussi Camp Guillem. Néanmoins, j'indiquerais que la médecine poursuit pour Camp Guillem le mouvement de la vie. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que la médecine, c'est un outil humain, une technique humaine pour poursuivre le mouvement vital de lutte contre la mort. Oui. Voilà. Donc là, ce problème d'intervenir parce qu'il y a du mal dans le monde naturel et qu'on s'autorise à le corriger, vous venez de souligner à quel point c'est tout le temps là. Et d'une certaine façon, si le médecin l'oublie, il oublie le fait, il oublie la nécessité de sa modestie. C'est vraiment ça qu'elle dit, je crois. Le risque, c'est de banaliser l'intervention et d'oublier que ça peut faire du mal parfois, qu'il peut y avoir de la défaillance, qu'on est dans un cas toujours singulier, même si on a des années et des années de pratique médicale. Oui. C'est ça ? Il y a un fameux texte qui s'appelle « Puissance et limites de la rationalité en médecine », où justement cette somme de sciences appliquées apparaît comme une puissance à Georges Camp Guillem, et en même temps c'est aussi sa limite. C'est-à-dire qu'il dit la médecine doit atteindre à partir de ce registre scientifique un point de conversion, où le médecin, dans la relation médecin-malade, doit savoir mettre entre parenthèses l'objectivité de son savoir scientifique, bien sûr en être fermement, y être fermement attaché, mais rouvrir l'attention à l'expérience subjective du malade. Donc, registre de la science, mais aussi registre de la prise en charge du malade, et donc attention à la subjectivité du malade. Ce texte que vous évoquez, Céline Lefebvre, de Georges Camp Guillem, date de 1978, c'était une conférence à l'occasion du centenaire de Claude Bernard. Cette conférence s'intitule « Puissance et limites de la rationalité en médecine » et il écrit ceci à propos de la défaillance, qui est toujours un risque en médecine. « Elle a lieu, cette défaillance, dans l'oubli, pris en son sens freudien, l'oubli du pouvoir de dédoublement propre au médecin qui lui permettrait de se projeter lui-même en situation de malade, l'objectivité de son savoir étant non pas répudiée mais mise entre parenthèses. » En d'autres termes, si on essaye de bien préciser ce qu'il dit, c'est quand on oublie de se mettre à la place du patient que le risque de défaillance advient. Quand on se réfugie dans son savoir objectif et qu'on oublie cette projection qui est absolument nécessaire. Votre commentaire, Philippe Barrier. Mais Céline a dit beaucoup de choses que j'aurais pu dire aussi. La médecine a cette nécessité de la scientificité, s'y est ajoutée une certaine technicité. Mais c'est aussi avant tout la clinique, c'est-à-dire précisément cette connaissance du singulier. Et elle est effectivement le prolongement, dit Camp Guillem, dans la conscience humaine de cette normativité biologique. Donc elle a pour nécessité de ne pas aller à l'encontre de ce pouvoir curateur de la vie, de la normativité biologique. Et je pense que l'expérience subjective, l'expérience de la maladie est première. Il y a une revalorisation de cette expérience de la maladie par le médecin lui-même qui montre effectivement les limites de la rationalité. Et dans ce sens, la relation de soins, si elle prend en compte cette possibilité de gérer les différentes normes qui font pression sur l'individu qui vit avec la maladie, elle est en elle-même thérapeutique. Mmh. Et il y a cette nécessité de prendre en compte des normes qui ne sont pas seulement les normes médicales. C'est-à-dire qu'il y a une critique de la norme médicale par Camp Guillem lui-même, en tant que médecin. Vous avez employé le mot « curateur ». Camp Guillem, en 1988, évoquait le passage dans le travail du médecin, sans arrêt, le passage de la figure de l'exégète, bah oui, il fait l'exégèse de son savoir, passage de l'exégète au réparateur. Il emploie cette expression. Et je voudrais lui donner la parole un peu plus longuement, si j'ose dire. Je vous propose d'écouter un texte, Le normal et le pathologique, extrait du normal et du pathologique. C'était sa thèse d'origine en 1943, puis il ne va cesser de travailler sur cet objet. En 1974, apparu un ouvrage entier sur cette question, et vous allez voir comment il pose le problème de l'objectivité scientifique mêlée à la prise en compte constante de la subjectivité du patient en écoute. Il en est de la médecine comme de toutes les techniques. Elle est une activité qui s'enracine dans l'effort spontané du vivant pour dominer le milieu et l'organiser selon ses valeurs de vivant. C'est dans cet effort spontané que la médecine trouve son sens, sinon d'abord toute la lucidité critique qui la rendrait infaillible. Voilà pourquoi, sans être elle-même une science, la médecine utilise les résultats de toutes les sciences au service des normes de la vie. C'est donc d'abord parce que les hommes se sentent malades qu'il y a une médecine. Ce n'est que secondairement que les hommes, parce qu'il y a une médecine, savent en quoi ils sont malades. Tout concept empirique de maladie conserve un rapport au concept axiologique de la maladie. Ce n'est pas, par conséquent, une méthode objective qui fait qualifier de pathologique un phénomène biologique considéré. C'est toujours la relation à l'individu malade, par l'intermédiaire de la clinique, qui justifie la qualification de pathologique. Tout en admettant l'importance des méthodes objectives d'observation et d'analyse dans la pathologie, il ne semble pas possible que l'on puisse parler, en toute correction logique, de pathologie objective. Certes, une pathologie peut être méthodique, critique, expérimentalement armée. Elle peut être dite objective, par référence au médecin qui la pratique. Mais l'intention du pathologiste ne fait pas que son objet soit une matière vidée de subjectivité. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Anna Feulpin de notre équipe lit pour nous ce matin Georges Canguilhem. Céline Lefebvre, pouvez-vous encore une fois nous commenter cette tension permanente que souligne Canguilhem entre l'objectivité indéniable des sciences, même s'il faut tout le temps les réinterroger, et le fait qu'il y a une limite constante liée au sujet malade qu'il a en face de lui, l'objectivité de la science médicale est sans arrêt mise à l'épreuve par la singularité subjective du patient. Oui, ce texte nous montre que il y a, comme le disait Canguilhem dans le normal et pathologique, il n'y a pas de science du normal et du pathologique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des expériences vécues par des sujets humains, des expériences de... D'ailleurs, vous avez parlé des affects, du pathos, de la souffrance, oui. De l'empêchement, de la perte ou de l'altération de leur manière de se rapporter habituellement au monde et d'affirmer leur valeur dans le monde et ainsi de transformer le monde, de le construire selon leurs valeurs. Il y a donc d'abord cette expérience subjective vécue et seulement secondairement, dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire de l'ordre même des connaissances biologiques, ensuite secondairement, il y a des sciences des maladies, il y a des sciences du pathologique. Et donc en fait, ce que fait Canguilhem, c'est toujours, il remet les choses dans l'ordre, dans l'ordre chronologique. D'abord l'expérience, ensuite la connaissance. Et ça permet, oui, cette remise en ordre chronologique entre expérience et science, ça permet de rappeler dans la pratique médicale, de remettre dans un ordre hiérarchique les choses, c'est-à-dire, comme l'a dit Philippe, c'est la clinique et la thérapeutique qui sont les activités essentielles du médecin, c'est-à-dire ce rapport au malade dans sa singularité. C'est ça qui prime, qui est hiérarchiquement et plus important, et les sciences du pathologique ne sont que des instruments au service de la clinique et de la thérapeutique. Alors, il y a une chose qui est très concrète, qui découle de tout ce que vous venez de dire, c'est que la langue du patient et la langue, langage, je veux dire, du médecin ne sont pas les mêmes. Et que c'est un problème constant en médecine. Bon, évidemment, comme dit Canguilhem, les médecins se souviennent de comment eux-mêmes parlaient des maladies avant d'être devenus des médecins. Mais c'est un problème beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que parfois, on ne peut pas bien soigner une maladie, mais le malade est content. Il trouve que ça suffit, on l'aide suffisamment. Et d'autres fois, on le guérit, et le malade se sent encore malade. Ce sont des expériences que Canguilhem a rapportées qui montrent le décalage entre la vision du médecin et la vision du patient. Je vous propose d'écouter un autre extrait sur ces points de Canguilhem. Il s'agit cette fois-ci d'un texte de 1978, « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ?» Point d'interrogation, c'était dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse. Le médecin n'est pas loin de penser que sa science est une langue bien faite, alors que le patient s'exprime en jargon. Mais comme le médecin a d'abord été homme, à l'âge où il était incertain de savoir s'il deviendrait Dieu, table ou cuvette, il conserve quelques souvenirs du bloc originel dans lequel il a été sculpté. Et il a retenu en principe quelques éléments du jargon dévalorisés par sa langue de savant. Il lui arrive donc de consentir à comprendre que la demande de ses clients puisse se borner à conserver une certaine qualité de la disposition à vivre, ou à en retrouver l'équivalent, sans se soucier de savoir si les tests objectifs de guérison sont positifs et concordants. Inversement, il se peut que le médecin ne comprenne pas que tel patient, au terme de ce qui a été prescrit, exécuté ou obtenu pour la disparition d'une infection ou d'une dysfonction, ne se tienne pas pour quitte, refuse de se dire guéri et ne se comporte pas comme tel. En somme, du point de vue de la pratique médicale, fortifiée de sa scientificité et de sa technologie, bien des malades se satisfont de moins que ce qu'on estime leur devoir. Et certains autres refusent de reconnaître qu'on a fait pour eux tout ce qui leur était dû. C'est donc que santé et guérison relèvent d'un autre genre de discours que celui dont on apprend le vocabulaire et la syntaxe dans les traités de médecine et dans les conférences de clinique. Philippe Barrier, c'est vrai ça, que souvent quand on est... comme vous l'êtes, et vous en parlez beaucoup, c'est pourquoi je me permets d'y faire référence, vous êtes un patient chronique, souvent on est décalé par rapport au médecin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se sent terriblement malade, patient, alors même que les données objectives vont à peu près bien. Ouais. Et puis d'autres fois où ça ne va pas forcément très bien, le médecin est un peu inquiet. Et puis au fond, vous comme patient, ça va. Vous avez un bon moment. C'est intéressant ce décalage. Alors, le décalage de langage, il faut quand même savoir que pour le médecin, le langage du patient est un langage profane, ce qui voudrait dire que le langage du médecin est sacré, ce qui est quand même problématique. Alors, Canguilhem, évidemment, ne va pas dans ce sens. Mais il insiste sur le fait que ce qui est visé, c'est la satisfaction du patient, du malade. Et en fait... ce que vise la norme médicale n'est pas forcément le bien du patient, c'est-à-dire le meilleur compromis possible entre toutes les normes qu'il a à gérer, puisque vous prenez mon exemple, je peux le prendre comme cas, je suis multipathologique, donc je dois gérer tout en même temps. Je continue par exemple d'explorer mon cas, j'ai fait récemment un épisode infectieux qui a absolument déréglé tous mes fonctionnements, le diabète est parti dans tous les sens, la fonction rénale semblait altérée, et puis ça s'est rétabli. Et n'empêche que je suis toujours ce malade chronique, mais en bonne santé, c'est-à-dire pouvant gérer mes pathologies de manière à pouvoir continuer à avoir ce qui est au fond du vitalisme, c'est-à-dire ce désir de vivre, de bien vivre, c'est-à-dire de pouvoir non seulement conserver la santé, mais développer mes potentialités, qui ne sont pas que des potentialités vitales, Mais c'est-à-dire que nous avons une dimension, c'est ce que Canguilhem appelle le prolongement dans la conscience humaine et que j'ai appelé l'autonormativité, c'est-à-dire des affects, des pathologies, par exemple la déstructuration psychique, la grande dépression, qui est un pathologique que nous fuyons peut-être davantage que le pathologique somatique, ce qui fait qu'on va refuser la maladie, refuser le traitement, parce qu'il y a quelque chose qui nous semble pire à éviter. Et c'est tout ça que le médecin a énormément de difficultés à prendre en compte. C'est donc cette évident. Langue, comme il le dit Georges Canguilhem, cette langue du patient, parfois décalée par rapport à la langue du médecin, mais pas seulement à cause des mots, à cause de l'humeur, si je puis dire. Le patient est censé aller mieux, il ne va pas bien. Le patient est censé aller mal au vu des données objectives et il va bien. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans les maladies chroniques. C'est une donnée très importante. C'est une alerte à l'égard des médecins que prononce la Canguilhem, Céline Lefebvre. Oui, il n'y a de maladie que du tout de l'organisme. C'est toujours, en fait, ce vers quoi nous alerte Canguilhem, c'est sur le fait que le médecin doit voir le malade dans sa globalité, à la fois son organisme comme un tout, c'est exactement ce que vient de décrire Philippe, il parle d'une unité en péril, hein, et puis il dit qu'il faut voir au-delà du problème circonscrit, au-delà de la pathologie, au-delà de l'accident, au-delà de la douleur chronique, essayer de comprendre la vie du malade au-delà ouais. de sa pathologie. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et d'une part, donc ce n'est donc pas un problème de langue, c'est vraiment un problème d'écart entre des savoirs objectifs qui sont nécessairement généraux, d'une part, populationnels, épidémiologiques, et puis une expérience qui, elle, est singulière et qui aussi est prise dans des normes sociales, des normes culturelles, des normes politiques. Et qui pèse aussi sur la personne. Et enfin, j'ajouterais voir au-delà de la pathologie, c'est aussi voir les capacités, les potentialités du sujet. C'est-à-dire essayer de voir comment il vit avec la maladie chronique en développant lui-même des habiletés, des compétences, des stratégies d'adaptation, des manières d'inventer sa vie, parfois même de la sublimer, de l'accomplir en faisant de sa maladie aussi un support, une force, comme l'a montré Philippe, entre autres. France Culture avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons de Georges Canguilhem ce matin, philosophe médecin du XXe siècle qui a dit tant de choses sur la relation malade-patient. Et il a dit tellement de choses qu'il est évidemment, oserais-je à mon tour dire, il à un moment donné, il a rencontré la question du désir d'arrêter les traitements, qui est un vrai sujet dans la relation malade-médecin, ce moment où le malade dit « maintenant ça suffit, je n'en peux plus, je ne veux pas ». C'est très difficile puisqu'il peut aussi dire le contraire quelques jours ou quelques mois après. La question du droit à la mort, donc, qui est, comme le souligne lui-même Canguilhem, très mal posée avec ses mots, mais enfin, il faut bien mettre des mots, et il a donc parlé souvent, dans les années 70, du droit à la mort. Écoutez-le sur France Culture, c'était en octobre 1975. Je crois que la première des choses à faire consiste à bien délimiter la question. On peut en effet considérer que droit à la mort est une expression tout à fait ambiguë, paradoxale. Quel droit, en effet, pour cet événement inéluctable, pour ce que nul ne saurait éviter. Du moment que c'est un fait, une nécessité, le terme de droit semble ne pas convenir. Donc, la question du droit à la mort, c'est, me semble-t-il, la question du droit pour un malade. Qu'on sait et qui se sait perdu, incurable, dans une situation vitale tout à fait diminuée. Le problème est de savoir si on doit lui reconnaître la possibilité d'exercer le droit au choix du moment et des modalités de sa mort personnelle. Il ne peut pas être question, évidemment, ici, d'aborder le problème de la mort comme phénomène biologique. C'est le problème de la mort d'un homme dans son rapport à un autre homme, à savoir son médecin. Donc, le problème du droit à la mort pose la question du devoir possible du médecin de reconnaître ce droit et de procurer, en quelque sorte, au malade la possibilité de l'exercer. Pourquoi est-ce si difficile pour le médecin de reconnaître ce qui est nommé là dans cet entretien, droit à la mort? Eh bien, justement, dans cet entretien sur France Culture d'octobre 1975, quand Guilhem explique pourquoi c'est difficile pour le médecin. Sur la question du prétendu activisme thérapeutique ou de l'acharnement thérapeutique, je pense que il faut être très, très nuancé et comprendre à la rigueur qu'il soit difficile au médecin qui, lui, a la conscience à la fois de son pouvoir et de ses limites, il lui est très difficile de ne pas tenter encore quelque chose pour aller au-delà de ses limites. Et c'est probablement ce qui rend, dans le comportement médical, dans le comportement du médecin, ce qui rend difficile l'acceptation, sans problème, de ce droit qu'aurait, et personnellement j'essaierai de le justifier, qu'aurait l'homme, en quelque sorte, à pouvoir choisir et le moment et la modalité du terme de sa vie. Je trouve ça très subtil ce qu'il dit là, Georges Canguilhem, le médecin, lorsqu'il sait qu'il peut encore tenter quelque chose, c'est vraiment dur pour lui de ne pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Barrier ? En tout cas, il pose la question en des termes très clairs. Et la question s'est un peu brouillée depuis, je pense, que revenir à cette dimension philosophique et à la difficulté des choix tels qu'il les pose, c'est tout à fait remarquable. Effectivement, si quelque chose est encore à tenter, mais là encore, c'est tout de même ce que vit la personne en souffrance qui doit être considérée en priorité. Alors, il est évident que le médecin rebute à donner la mort, puisqu'il a pris l'engagement de lutter pour la vie, mais il y a la souffrance, et est-ce que la vie est encore non seulement vitalement possible, mais vivable pour une personne qui souffre, qui a perdu, qui a une vie, comme on dit, post-relationnelle, c'est-à-dire qui n'a plus de sens pour elle-même. Et je pense que le médecin doit aller au bout de la logique que propose Canguilhem, de la priorité du malade. Alors, ce qui est évidemment un peu complexe pour nous aujourd'hui, c'est que dans les extraits que nous avons entendus, Georges Canguilhem ne se prononce pas sur le droit à administrer un produit véritablement létal. Il évoque l'absence de prolongement des soins. Oui. Peut-être qu'il l'a fait plus tard, vous me direz. Et puis l'autre problème, mais c'est aussi un peu lié, c'est que, enfin, j'ai cru comprendre que pour Canguilhem, cette affaire-là se joue toujours entre le médecin et son patient, et il était plus que résistant à écrire les choses dans la loi. Pouvez-vous nous éclairer sur cet ensemble de problèmes, Céline Lefebvre, la manière dont Canguilhem posait ces problèmes? Oui. Alors, en effet, pour lui, il existe non pas un droit à la mort en général, mais un droit de la personne malade à sa mort. Et là, il est complètement cohérent avec toute sa philosophie de la médecine fondée sur l'appel à l'aide du sujet, sur l'expérience subjective et sur le soutien de la normativité propre du sujet. Ensuite, il n'est pas, pour lui, la question n'est pas de s'abstenir d'agir ou d'agir. Il n'est pas a priori contre le fait que le médecin donne activement un produit létal. Donc il n'est pas contre, je n'étais pas sûre de ce point, je n'osais pas trop m'avancer. C'est suffisamment délicat pour être tout à fait précise. En revanche, ce qui est là où vous avez absolument raison de le souligner, c'est que pour lui, il ne peut s'agir que d'une décision intime, en conscience, d'un médecin singulier pour un malade singulier, dans une situation singulière. Et ce pourquoi, donc, il est favorable à l'euthanasie, pour le dire, c'est-à-dire à donner la mort à un patient qui est en fin de vie, en toute fin de vie, dont les souffrances sont réfractaires, et qui sait qu'il va mourir et qui en fait la demande répétée et ferme. Donc là, c'est tout à fait clair. Mais pour lui, il s'agit d'une décision qui ne peut être que nouée, que construite dans une relation intime où chacun des acteurs, le patient et le médecin, explicitent ses valeurs et se mettent en quelque sorte d'accord. Et ça ne peut pas faire l'objet d'un texte de loi, d'une légalisation ou d'une dépénalisation de l'euthanasie. Pourquoi ? Parce que pour lui, ces questions-là sont des questions d'éthique où chaque situation et chaque médecin doit les penser en conscience au cas par cas. Il insiste beaucoup sur la notion de cas d'école, du fait qu'il faut former les médecins à ces cas d'école et que la loi ne réglera jamais ces problèmes, les règles générales ne régleront jamais les problèmes singuliers et même le risque d'une législation, pour lui, ça serait qu'on pense qu'on a réglé le problème et qu'on réglera ces situations difficiles simplement en appliquant des procédures, c'est-à-dire en faisant rentrer les patients et leur situation dans des cases, et que on pourra ainsi non pas se poser la question de manière individualisée, mais prendre des décisions en fonction de telle pathologie déjà vue, de telle situation déjà vue, et on ne remettra pas au travail la réflexion éthique. Donc, il est défavorable à la légalisation, à la dépénalisation de l'euthanasie. Mais c'est qu'il fait confiance dans la figure du médecin. D'abord, ils savent et ils prendront les bonnes décisions en situation s'ils sont bien formés. Et deuxièmement, il a confiance dans le fait qu'on n'ira pas leur chercher des noises devant les tribunaux à ces médecins. Et tout cela aujourd'hui paraît un peu insuffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui saisissent des tribunaux, il y a peut-être plus de suspicion, non, autour de la figure du médecin, Céline Lefebvre. Oui, là où la position de Caen Guilhem est problématique aujourd'hui, c'est qu'il en appelle, dit-il, à la discrétion de ses actes, au fait qu'ils ne soient pas rendus publics, parce qu'ils relèvent de l'intimité de la relation médecin-malade. Or aujourd'hui, ce n'est pour nous tous, ce n'est plus acceptable que des pratiques de cet ordre soient clandestines, soient secrètes. Il y a la nécessité de qu'elles soient au contraire transparentes et que chacun puisse accéder aux mêmes droits, aussi à l'égalité des droits et à la possibilité de, d'être entendu, d'être accompagné. Et donc cette réticence de Caen Guilhem à légaliser, elle est problématique parce que elle ne permet pas de garantir les mêmes droits pour tous. Par définition, puisqu'il ne parle que de cas singuliers, donc chaque singularité, on ne sait pas exactement ce qui s'y passera. Mais néanmoins, ça peut quand même être un horizon, un rappel sur le fait que ce qui devrait quand même nous rester à notre esprit, c'est que la loi peut aussi donner lieu à ces dérives procédurales, c'est-à-dire que puisqu'il y a la loi, on ne s'obligerait plus à penser la singularité des cas. Ça, c'est très important. Et pour lui, je trouve ça, parce que c'est le philosophe là qui parle. Oui. Ne vous cachez pas derrière les lois et les procédures. Et puisque nous avons commencé par évoquer, nous avons commencé par évoquer la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. Il y a aussi chez Canguilhem, c'est très explicite dans cet entretien, la peur de dérive, c'est-à-dire du fait que s'il y a une légalisation, alors au nom du fait que certaines vies vaudraient moins que d'autres, que certaines vies seraient un fardeau familial, social ou économique, alors il y aurait dans la loi une pression normative qui s'exercerait sur les personnes vulnérables, malades, handicapées, en fin de vie. Et donc il a peur de ça. Et là on est au cœur des débats actuels. Philippe Barrier. Oui. La loi qui institue un droit institue un devoir. Et c'est ça qui effectivement fait peur à Canguilhem et sa généralité. C'est la même chose avec le protocole. Et la médecine a développé beaucoup de protocoles qui permettent d'éviter effectivement la réflexion éthique. Et Canguilhem nous renvoie à la réflexion éthique. Et alors, vous dites dans cette confiance du médecin, mais toute relation... Confiance envers le médecin. Envers le médecin, mais les relations médicales ne sont pas toutes égales. Il y a effectivement une injustice. Et la loi se doit de trouver les meilleurs termes pour être vraiment normative, c'est-à-dire non pas normalisatrice et donnant un impératif, mais permettre cette souplesse d'interprétation, cette fluidité qui fait qu'elle règle vraiment autant que possible le différent entre la singularité et la généralité. Il faut permettre à tout le monde d'avoir cette relation où l'éthique puisse avoir une chance. Parce que tout le monde sait que tous les médecins ont été confrontés à ce genre de situation. Mais en même temps, on ne peut pas en rester là. La toute-puissance du médecin effrayait Canguilhem. Sans arrêt, il le dit tout le temps. Et en même temps, régler ce problème par la loi ne le satisfaisait pas bien non plus. On peut dire ça, oui. Lefebvre. Oui, oui. Et ça... Mais oui, il faut précisément une loi suffisamment ouverte pour que les choix éthiques soient possibles à l'intérieur de cette loi. Et je trouve que la proposition de loi actuelle, où on n'emploie pas le mot euthanasie, aide active à mourir, mais... aide à mourir avec une possibilité en plus que ce soit une personne choisie par le malade et non pas seulement les médecins qui pouvaient se réfugier derrière le fait qu'ils ne sont pas là pour donner la mort, ouvre à une problématique plus ouverte. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Thank you. Et c'est Bonnie Tyler que vous entendez, et sa douleur au cœur, si j'ose dire. It's a heartache, 1977. Et merci Philippe Barrier, Céline Lefebvre, pour vos éclairages ce matin sur le philosophe médecin Georges Canguilhem, en cinquième épisode de notre série de cette semaine sur médecine et philosophie. Je rappelle que les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Écoutons maintenant la chronique de Frédéric Worms sur la Seconde Guerre mondiale. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi Camus écrivit-il à un ami allemand ? En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, en 1943 et aussi en 1944, date où elles parurent en recueil, Albert Camus, qui avait publié en 1942 ses premiers grands coups d'éclat littéraires et philosophiques, Le mythe de Sisyphe et L'étranger, Albert Camus donc publia, d'abord dans des revues de résistance, puis en recueil chez Gallimard, une série de courtes lettres intitulées « Lettres à un ami allemand ». Et ces lettres sont évidemment, en un certain sens, des lettres de rupture, mais des lettres qui expliquent la rupture sans préserver l'amitié, parce qu'elle a éclaté ou sous les coups d'une violation irréversible face à un ami allemand devenu nazi qui a tout sacrifié, y compris la justice, à la priorité de sa nation sur toutes les autres, avec une logique que Camus dira criminelle et qu'il étudiera aussi plus tard dans L'homme révolté, la logique du meurtre, qui reprend chez lui la critique du suicide dans Le mythe de Sisyphe. Bref, cette amitié ne pourra pas se reconstituer, je sais pourquoi, dit-il, nous sommes devenus ennemis, et pourtant, écrire à cet ami, c'est maintenir un lien possible, c'est maintenir dans la différence même l'espoir d'une discussion possible, l'espoir au moins que les arguments qui le conduisent à rompre soient entendus par cet ami devenu ennemi et surtout par les destinataires des deux peuples qui pourront retrouver la source de la justice. Le principal point de différent que souligne Camus, c'est que si eux, lui et ses amis se sont engagés dans la résistance et dans la guerre, ont consenti à se battre et même à prendre les armes, eh bien ce n'est pas de gaieté de cœur et pour un pouvoir de dominer les autres, c'est pour résister tout en détestant la guerre et en visant la paix. La différence entre eux, dit-il, c'est que les résistants se battent en méprisant la guerre. C'est beaucoup que de se battre en méprisant la guerre, d'accepter de tout perdre en gardant le goût du bonheur, de courir à la destruction avec l'idée d'une civilisation supérieure. Ainsi, ce qui fait une résistance juste, ça n'est pas seulement des moyens auxquels on ne recourt qu'à contre-cœur et en limitant, comme dans Les Justes, l'action de la justice ne peut pas employer n'importe quel moyen, mais c'est aussi la définition d'une fin. Il faut se battre pour la justice universelle et seulement contre des agressions injustes et certainement pas pour la domination de son peuple sur les autres. Les lettres à un ami allemand sont donc le témoignage du maintien sur la ligne de Crète, qui assume la rupture mais qui maintient aussi des principes qui sont voués à redevenir communs. C'est la ligne de crête d'une relation morale, intellectuelle, littéraire entre des peuples et des personnes européennes au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ces lettres à un ami allemand qui sont un peu oubliées, un peu méconnues aujourd'hui. Peut-être que chacune et chacun dans les écoles devrait les connaître par cœur. Peut-être que c'est le cœur secret, le cœur caché de toute l'œuvre d'Albert Camus et de la philosophie européenne du XXe siècle. Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Sébastien Royer. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.